Chapitre 5, 12e partie. Une heure après ma conversation avec Odile, Sperver et moi nous sortions ventre à terre du Nidec. Le piqueur courbé sur le cou de son cheval n'avait qu'un cri. Hu ! Il allait si vite que son grand Mecklembourg, la crinière flottante, la queue droite et les jarrets tendus, semblait immobile. Il fendait littéralement l'air. Quant à mon petit Ardennais, je crois qu'il avait pris le mort aux dents. Lieverley nous accompagnait, voltigeant à nos côtés comme une flèche. Le vertige nous emportait sur ses ailes. Les tours du Nidec étaient loin, et Sperver avait pris l'avance comme d'habitude lorsque je m'écriais. « Halte, camarade, halte ! Avant de poursuivre notre route, délibérons !» Il fit volte-face. « Dis-moi seulement, Fritz, s'il faut tourner à droite ou à gauche. »« Non, approche !» Il est indispensable que tu connaisses le but de notre voyage. En deux mots, il s'agit de prendre la vieille. Un éclair de satisfaction illumina la figure longue et jaune du vieux braconnier. Ses yeux étincelèrent. Ha ha ! Fit-il. Je savais bien que nous serions forcés d'en venir là. Et d'un mouvement d'épaule, il fit glisser sa carabine dans sa main. Ce geste significatif me donna l'éveil. « Un instant, Sperver, il ne s'agit pas de tuer la peste noire, mais de la prendre vivante. »« Vivante ? Sans doute, et pour t'épargner bien des remords, je dois te prévenir que la destinée de la vieille est liée à celle de ton maître. Ainsi la balle qui la frapperait tuerait le comte du même coup. » Sperver ouvrit la bouche tout stupéfait. « Est-ce bien vrai, Fritz ? C'est positif. » Il y eut un long silence. Nos deux chevaux, Fox et Ripple, balançaient la tête l'un en face de l'autre et se saluaient, grattant la neige du pied, comme pour se féliciter de l'expédition. Lieverley bâillait d'impatience, allongeant et pliant sa longue échine maigre comme une couleuvre, et Sperver restait immobile, la main sur sa carabine. Tout à coup, il la fit repasser sur son dos et s'écria « Eh bien !» Tâchons de la prendre vivante, cette peste. Nous mettrons des gants s'il le faut. Mais ce n'est pas aussi facile que tu le penses, Fritz. » Et la main étendue vers les montagnes qui se déroulaient en amphithéâtre autour de nous, il ajouta « Regarde, voici l'Altenberg, le Birkenwald, le Schneeberg, l'Ochsenhorn, le Rehtal, le Bärenkopf. Et si nous montions un peu, tu verrais 50 autres pics à perte de vue. » Jusque dans les plaines du Palatinat. Il y a là-dedans des rochers, des ravins, des défilés, des torrents et des forêts, toujours des forêts. Ici des sapins, plus loin des hêtres, plus loin des chênes. La vieille se promène au milieu de tout cela. Elle a bon pied, bon œil. Elle vous flaire d'une lieue. Allez donc la prendre. Si c'était facile, où serait le mérite? Je ne t'aurais pas choisi tout exprès. « C'est bel et bon ce que tu me chantes là, Fritz. Encore si nous tenions un bout de sa piste, je ne dis pas qu'avec du courage, de la patience. Quant à sa piste, ne t'en inquiète pas, je m'en charge. Toi ? Moi-même. Tu te connais à trouver une piste ? Mais pourquoi pas ? Oh, du moment que tu ne doutes de rien, que tu penses en savoir plus que moi, c'est autre chose. Marche en avant, je te suis. » Il était facile de voir le dépit du vieux chasseur, irrité de ce que j'osais toucher à ses connaissances spéciales. Aussi, riant dans ma barbe, je ne me fis pas répéter l'invitation et je tournai brusquement à gauche, sûr de couper les traces de la vieille qui, de la poterne, après s'être enfuie avec le comte, avait dû traverser la plaine pour regagner la montagne. Sperver marchait derrière moi, sifflant d'un air d'indifférence, et je l'entendais murmurer « Allez donc chercher en plaine les traces de la louve. Un autre se serait imaginé qu'elle a dû suivre la lisière du bois, comme d'habitude. Mais il paraît qu'elle se promène maintenant à droite et à gauche, les mains dans les poches, comme un bourgeois de Tubing. » Je faisais la sourde oreille, quand tout à coup je l'entendis s'exclamer de surprise, puis me regardant d'un œil pénétrant « Fritz, dit-il, tu en sais plus que tu n'en dis. » « Comment cela, Gédéon ?»« Oui, cette piste que j'aurais cherchée 8 jours, tu la trouves du premier coup, ça n'est pas naturel. Où la vois-tu donc? Eh, n'aie pas l'air de regarder à tes pieds! Et m'indiquant au loin une traînée blanche à peine perceptible, la voilà! Aussitôt il prit le galop, je le suivis, et 2 minutes après, nous mettions pied à terre. C'était bien la trace de la peste noire. « Je serais curieux de savoir, » s'écria Sperver en se croisant les bras, « d'où diable cette trace peut venir ?»« Que cela ne t'inquiète pas. »« Tu as raison, Fritz. Ne fais pas attention à mes paroles. Je parle quelquefois en l'air. Le principal est de savoir où la piste nous mènera. » Et cette fois, le piqueur mit le genou dans la neige. J'étais tout oreille, lui tout attention. « La trace est fraîche, » dit-il à la première inspection. « Elle est de cette nuit. C'est étrange, Fritz. Pendant la dernière attaque du comte, la vieille rôdait autour du Nidec. Puis, examinant avec plus de soin, elle est de 3 ou 4 heures du matin. Comment le sais-tu? L'empreinte est nette. Il y a du grésil tout autour. La nuit dernière, vers minuit, je suis sorti pour fermer les portes. Il tombait du grésil. Il n'y en a pas sur la trace. Donc elle a été faite depuis. » « C'est juste, Sperver, mais elle peut avoir été faite beaucoup plus tard, à 8 ou 9 heures, par exemple. »« Non, regarde, elle est couverte de verglas. Il ne tombe de brouillard qu'au petit jour. La vieille est passée depuis le grésil, avant le verglas, de 3 à 4 heures du matin. » J'étais émerveillé de la perspicacité de Sperver. Il se releva, frappant ses mains l'une contre l'autre pour en détacher la neige, et me regardant d'un air rêveur, il ajouta, comme se parlant à lui-même, « Mettons au plus tard 5 heures du matin. Il est bien midi, n'est-ce pas, Fritz ?»« Midi moins un quart. »« Bon, la vieille a 7 heures d'avance sur nous. Il nous faudra suivre pas à pas tout le chemin qu'elle a fait. À cheval, nous pouvons la gagner 1 heure sur 2. Et supposer qu'elle marche toujours, à 7 ou 8 heures du soir, nous la tenons. En route, Fritz, en route. » Nous repartîmes suivant les traces. Elle nous guidait droit vers la montagne. Tout en galopant, Sperver me disait, « Si le bonheur voulait que cette maudite peste fût entrée dans un trou quelque part, ou qu'elle se fût reposée 1 heure ou 2, nous pourrions la tenir avant la fin du jour. Espérons-le, Gédéon. » « Oh, n'y compte pas, n'y compte pas. La vieille louve est toujours en route. Elle est infatigable. Elle balaye tous les chemins creux du Schwarzwald. Enfin, il ne faut pas se flatter de chimères. Si par hasard elle s'est arrêtée, tant mieux. Nous en serons plus contents. Et si elle a marché toujours, eh bien, nous ne serons pas découragés. Allons, un temps de galop. Hop, hop, Fox !» C'est une étrange situation que celle de l'homme à la chasse de son semblable, car après tout, cette malheureuse était notre semblable. Elle était douée comme nous d'une âme immortelle. Elle sentait, pensait, réfléchissait comme nous. Il est vrai que des instincts pervers la rapprochaient sous quelque rapport de la louve et qu'un grand mystère planait sur sa destinée. La viérante avait sans doute oblitéré chez elle le sens moral et même effacé le caractère humain. Mais toujours est-il que rien, rien au monde ne nous donnait le droit d'exercer sur elle le despotisme de l'homme sur la brute. Et pourtant, une ardeur sauvage nous entraînait à sa poursuite. Moi-même, je sentais bouillonner mon sang. J'étais déterminé à ne reculer devant aucun moyen pour m'emparer de cet être bizarre. La chasse au loup, au sanglier, ne m'aurait pas inspiré la même exaltation. La neige volait derrière nous et quelquefois des fragments de glace, enlevés par le fer comme à l'emporte-pièce, sifflaient à nos oreilles. Sperver, tantôt le nez en l'air, sa grande moustache rousse au vent, tantôt son œil gris sur la piste, me rappelait ces fameux basquirs que j'avais vus traverser l'Allemagne dans mon enfance. Et son grand cheval maigre, sec, musculeux, la crinière développée, le corsage svelte comme un lévrier complétait l'illusion. Liverley, dans son enthousiasme, bondissait parfois à la hauteur de nos chevaux, et je ne pouvais m'empêcher de frémir en songeant à sa rencontre avec la peste. Il était capable de la mettre en pièces avant qu'elle eût le temps de jeter un cri. Du reste, la vieille nous donnait terriblement à courir. Sur chaque colline, elle avait fait un crochet. À chaque monticule, nous trouvions une fausse trace. Encore ici ! Criait Sperver. Ce n'est rien, on voit de loin, mais dans le bois ce sera bien autre chose. C'est là qu'il faudra ouvrir l'œil. Vois-tu la maudite bête comme elle s'est faussée la piste ? La voilà qui s'est amusée à balayer ses pas, et puis, sur cette hauteur exposée au vent, elle s'est glissée jusqu'au ruisseau, elle l'a suivie dans le cresson pour gagner le coin des bruyères. Sans ces deux pas-ci, elle nous dévoyait pour sûr. Nous venions d'atteindre la lisière d'un bois de sapins. La neige, dans ces sortes de forêts, ne dépasse jamais l'envergure des rameaux. C'était un passage difficile. Sperver mit pied à terre pour mieux y voir et me fit placer à sa gauche afin d'éviter mon ombre. Il y avait là de grandes places couvertes de feuilles mortes et de ces brindilles flexibles de sapins qui ne prennent pas l'empreinte. Aussi n'était-ce que dans les espaces libres où la neige était tombée que Sperver retrouvait le fil de la trace. Il nous fallut une heure pour sortir de ce bouquet d'arbres. Le vieux braconnier s'en rongeait la moustache et son grand nez formait un demi-cercle. Quand je voulais seulement dire un mot, il m'interrompait brusquement et s'écriait « Ne parle pas, ça me trouble !» Enfin, nous redescendîmes dans un vallon à gauche, et Gédéon, m'indiquant les pas de la louve au versant des bruyères, « Ceci, vieux, dit-il, n'est pas une fausse sortie. Nous pouvons la suivre en toute confiance. Pourquoi ? Parce que la peste a l'habitude, dans toutes ses contre-marches, de faire trois pas de côté, puis de revenir sur ses brisées, d'en faire cinq ou six de l'autre, et de sauter brusquement dans une éclaircie. Mais quand elle se croit bien couverte, elle débusque sans s'inquiéter des feintes. Tiens, que t'ai-je dit ? Elle bourre maintenant sous les broussailles comme un sanglier. Il ne sera pas difficile de suivre sa voie. C'est égal, mettons-la toujours entre nous et allumons une pipe. » Nous fîmes halte, et le brave homme, dont la figure commençait à s'animer, me regardant avec enthousiasme, s'écria « Fritz, ceci peut être un des plus beaux jours de ma vie. Si nous prenons la vieille, je veux la ficeler comme un paquet de guenilles sur la croupe de Fox. Une seule chose m'ennuie. Quoi ? C'est d'avoir oublié ma trompe. J'aurais voulu sonner la rentrée en approchant du Nidec. Ha ha ha ! Il alluma son tronçon de pipe et nous repartîmes. Les traces de la louve gagnaient alors le haut des bois sur une pente tellement roide qu'il nous fallut plusieurs fois mettre pied à terre et conduire nos chevaux par la bride. « La voilà qui tourne à droite, » me dit Sperver. « De ce côté-là, les montagnes sont à pic. L'un de nous sera peut-être forcé de tenir les chevaux en main, tandis que l'autre grimpera pour rabattre. C'est le diable ! On dirait que le jour baisse. » Le paysage acquérait alors une ampleur grandiose. D'énormes roches grises, chargées de glaçons, élevaient de loin en loin leurs pointes anguleuses comme des écueils au-dessus d'un océan de neige. Rien de mélancolique comme le spectacle de l'hiver dans les hautes montagnes. Les crêtes, les ravins, les arbres dépouillés, les bruyères scintillantes de givre prennent à vos regards un caractère d'abandon et de tristesse indicible. Et le silence, si profond que vous entendez une feuille glisser sur la neige durcie, une brindille se détacher de l'arbre, le silence vous pèse. Il vous donne l'idée incommensurable du néant. Que l'homme est peu de choses. Deux hivers consécutifs et la vie est balayée de la terre. Par instant, l'un de nous éprouvait le besoin d'élever la voix. C'était une parole insignifiante. « Ah, nous arriverons, quel froid de loup !» Ou bien « Hé, Lieverlé, tu baisses l'oreille !» Tout cela pour s'entendre soi-même, pour se dire « Oh, je me porte bien !» Malheureusement, Fox et Ripple commençaient à se fatiguer. Ils enfonçaient jusqu'au poitrail et ne hennissaient plus comme au départ. Et puis, les défilés inextricables du Schwarzwald se prolongent indéfiniment. La vieille aimait ses solitudes. Ici, elle avait fait le tour d'une hutte de charbonnier abandonnée. Plus loin, elle avait arraché les racines qui croissent sur les roches moussues. Ailleurs, elle s'était assise au pied d'un arbre, et cela récemment. Il y avait tout au plus 2 heures, car les traces étaient fraîches. Aussi, notre espoir et notre ardeur s'en redoublaient. Mais le jour baissait à vue d'œil. Chose étrange, Depuis notre départ du Nidec, nous n'avions rencontré ni bûcheron, ni charbonnier, ni ségare. Dans cette saison, la solitude du Schwarzwald est aussi profonde que celle des steppes de l'Amérique du Nord. À 5 heures, la nuit était venue. Sperver fit halte et me dit « Mon pauvre Fritz, nous sommes partis 2 heures trop tard. La louve a trop d'avance sur nous. Avant 10 minutes, il va faire noir sous les arbres comme dans un four. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de gagner la roche creuse à 20 minutes d'ici, d'allumer un bon feu, de manger nos provisions et de vider notre peau de bouc. Dès que la lune se lèvera, nous reprendrons la piste, et si la vieille n'est pas le diable en personne, il y a 10 à parier contre 1 que nous la trouverons morte de froid au pied d'un arbre, car il est impossible qu'une créature humaine puisse supporter de telles fatigues par un temps comme celui-ci. Zebalk lui-même, qui est le premier marcheur du Schwarzwald, n'y résisterait pas. Voyons, Fritz, qu'en penses-tu ? Je pense qu'il faudrait être fou pour agir autrement. Et d'abord, je ne me sens plus de faim. Eh bien donc, en route. Il prit les devants et s'engagea dans une gorge étroite, entre 2 lignes de rochers à pic. Les sapins croisaient leurs branches au-dessus de nos têtes. Sous nos pieds coulait un torrent presque à sec, et de loin en loin, quelques rayons égarés dans ses profondeurs faisaient miroiter le flot terne comme du plomb. L'obscurité devint telle que je dus abandonner la bride de Reppel. Les pas de nos chevaux sur les cailloux glissants avaient des retentissements bizarres, comme des éclats de rire de macaques. Les échos des rochers répétaient coup sur coup, et dans le lointain, un point bleu semblait grandir à notre approche. C'était l'issue de la gorge. « Fritz, me dit Sperver, nous sommes ici dans le lit du torrent de la Tunkelbach. C'est le défilé le plus sauvage de tout le Schwarzwald. Il se termine par une sorte de cul-de-sac qu'on appelle la marmite du Grand Gueulard. Au printemps, à l'époque de la fonte des neiges, la Tunkelbach vomit là-dedans toutes ses entrailles, d'une hauteur de 200 pieds. C'est un tapage épouvantable. Les eaux jaillissent et retombent en pluie jusque sur les montagnes environnantes. Parfois même, elles emplissent la grande caverne de la roche creuse. Mais à cette heure, elle doit être sèche comme une poire à poudre, et nous pourrons y faire un bon feu. » Tout en écoutant Gédéon, je considérais ce sombre défilé, et je me disais que l'instinct des fauves cherchant de tels repères, loin du ciel, loin de tout ce qui égaie l'âme, que cet instinct tient du remords. En effet, les êtres qui vivent en plein soleil, la chèvre debout sur son rocher pointu, le cheval emporté dans la plaine, le chien qui s'ébat près de son maître, l'oiseau qui se baigne en pleine lumière, tous respirent la joie, le bonheur. Ils saluent le jour de leur danse et de leur cri d'enthousiasme. Et le chevreuil, qui brame à l'ombre des grands arbres dans ses pâquis verdoyants, a quelque chose de poétique comme l'asile qu'il préfère. Le sanglier, quelque chose de brusque, de bourru, comme les halliers impénétrables où il s'enfonce. L'aigle, de fier, d'altier comme ses rochers à pic. Le lion, de majestueux comme les voûtes grandioses de sa caverne. Mais le loup, le renard, la fouine recherchent les ténèbres. La peur les accompagne, cela ressemble au remords. Je rêvais encore à ces choses, et je sentais déjà l'air vif me frapper au visage, car nous approchions de l'issue de la gorge, quand tout à coup un reflet rougeâtre passa sur la roche, à 100 pieds au-dessus de nous, empourprant le vert sombre des sapins et faisant scintiller les guirlandes de givre. « Ah ! » fit Sperver d'une voix étouffée. « Nous tenons la vieille !» Mon cœur bondit, nous étions pressés l'un contre l'autre. Le chien grondait sourdement. « Est-ce qu'elle ne peut pas s'échapper ? » demandai-je tout bas. « Non, elle est prise comme un rat dans une ratière. La marmite du Grand Gueulard n'a pas d'autre issue que celle-ci, et tout autour, les rochers ont 200 pieds de haut. Ha ha, je te tiens, vieille scélérate !» Il mit pied à terre dans l'eau glacée, me donnant la bride de son cheval à tenir. Un tremblement me saisit. J'entendis dans le silence le tic-tac rapide d'une carabine qu'on arme. Ce petit bruit strident me passa par tous les nerfs. « Sperver, que vas-tu faire ? Ne crains rien, c'est pour l'effrayer. À la bonne heure, mais pas de sang. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. La balle qui frapperait la peste tuerait également le comte. Sois tranquille. » Il s'éloigna sans m'écouter davantage. J'entendis le clapotement de ses pieds dans l'eau, puis je vis sa haute taille, debout à l'issue de la gorge, noire sur le fond bleuâtre. Il resta bien 5 minutes immobile. Moi, penché, attentif, je regardais, m'approchant tout doucement. Comme il se retournait, je n'étais plus qu'à 3 pas. « Chut !» fit-il d'un air mystérieux. « Regarde !» Au fond de l'anse, taillée à pic comme une carrière dans la montagne, je vis un beau feu dérouler ses spirales d'or à la voûte d'une caverne. Et devant le feu, un homme accroupi, qu'à son costume je reconnus pour le baron de Zimmer Bluderick. Il était immobile, le front dans les mains, et semblait réfléchir. Derrière lui, une forme noire gisait étendue sur le sol, et plus loin, son cheval à demi perdu dans l'ombre nous regardait, l'œil fixe, l'oreille droite, les naseaux tout grands ouverts. Je restai stupéfait. Comment le baron de Zimmer se trouvait-il à cette heure dans cette solitude? Qui venait-il faire? S'était-il égaré? Les suppositions les plus contradictoires se heurtaient dans mon esprit, et je ne savais à laquelle m'arrêter quand le cheval du baron se prit à hennir. À ce bruit, son maître releva la tête. « Qu'as-tu donc, Donner ? » dit-il. Puis à son tour, il regarda dans notre direction les yeux écarquillés. Cette tête pâle aux arêtes saillantes, aux lèvres minces, aux grands sourcils noirs contractés et creusant au milieu du front une longue ride perpendiculaire, m'aurait frappé d'admiration dans toute autre circonstance. Mais alors, un sentiment d'appréhension indéfinissable s'était emparé de mon âme, et j'étais plein d'inquiétude. Tout à coup, le jeune homme s'écria « Qui va là ?»« Moi, monseigneur !» répondit aussitôt Gédéon en s'avançant vers lui. « Moi, Sperver, le piqueur du comte de Nideck !» Un éclair traversa le regard du baron, mais pas un muscle de sa figure ne tressaillit. Il se leva, ramenant d'un geste sa pelisse sur ses épaules. J'attirai les chevaux et le chien, qui se mit subitement à hurler d'une façon lamentable. Qui n'est sujette à des craintes superstitieuses? Aux plaintes de Liverley, j'eus peur. Un frisson glacial me parcourut tout le corps. Sperver et le baron se trouvaient à 50 pas l'un de l'autre. Le premier, immobile au milieu de l'anse, la carabine sur l'épaule. Le second, debout sur la plateforme extérieure de la caverne, la tête haute, l'œil fier, et nous dominant du regard. « Que voulez-vous ? » dit le jeune homme d'un accent agressif. « Nous cherchons une femme, » répondit le vieux braconnier, « une femme qui vient tous les ans rôder autour du Nideck, et nous avons l'ordre de l'arrêter. A-t-elle volé ? Non. A-t-elle tué ? Non, monseigneur. Alors, que lui voulez-vous ? De quel droit la poursuivez-vous ? » Sperver se redressa et fixant ses yeux gris sur le baron. « Et vous, de quel droit l'avez-vous prise ? » fit-il avec un sourire bizarre. « Car elle est là, je la vois au fond de la caverne. De quel droit mettez-vous la main dans nos affaires ? Ne savez-vous pas que nous sommes ici sur les terres du Nideck et que nous avons droit de haute et basse justice ? » Le jeune homme pâlit et d'un ton rude. « Je n'ai pas de compte à vous rendre, » dit-il. « Prenez garde, » reprit Sperver. « Je viens avec des paroles de paix, de conciliation. J'agis au nom du seigneur Yeri Hans. Je suis dans mon droit et vous me répondez mal. »« Votre droit ?» fit le jeune homme avec un sourire amer. « Ne parlez pas de votre droit. Vous me forceriez à vous dire le mien. »« Eh bien, dites-le !» s'écria le vieux braconnier, dont le grand nez se courbait de colère. « Non, répondit le baron, je ne vous dirai rien, et vous n'entrerez pas. C'est ce que nous allons voir, » fit Sperver en s'avançant vers la caverne. Le jeune homme tira son couteau de chasse. Alors moi, voyant cela, je voulus m'élancer entre eux. Malheureusement, Le chien que je tenais en laisse m'échappa d'une secousse et m'étendit à terre. Je crus le baron perdu, mais au même instant, un cri sauvage partit du fond de la caverne, et comme je me relevais, j'aperçus la vieille debout devant la flamme, les vêtements en lambeaux, la tête rejetée en arrière, les cheveux flottant sur les épaules. Elle levait au ciel ses longs bras maigres et poussait des hurlements lugubres, comme la plainte du loup par les froides nuits d'hiver, quand la faim lui tord les entrailles. Je n'ai rien vu de ma vie d'aussi épouvantable. Sperver, immobile, l'œil fixe, la bouche entr'ouverte, semblait pétrifié. Le chien lui-même, à cette apparition inattendue, s'était arrêté quelques secondes, mais courbant tout à coup son échine hérissée de colère, il reprit sa course avec un grondement d'impatience qui me fit frémir. La plateforme de la caverne se trouvait à 8 ou 10 pieds du sol. Sans cela, il l'eût atteinte du premier bond. Je l'entends encore franchir les broussailles couvertes de givre. Je vois le baron se jeter devant la vieille en criant d'une voix déchirante « Ma mère !» Puis le chien reprendre un dernier élan. Et Sperver, rapide comme l'éclair, le mettre en joue et le foudroyer aux pieds du jeune homme. Cela s'était passé dans une seconde. Le gouffre s'était illuminé et les échos lointains se renvoyaient l'explosion dans leurs profondeurs infinies. Le silence parut ensuite grandir comme les ténèbres après l'éclair. Quand la fumée de la poudre se fut dissipée, j'aperçus Lieverlé gisant à la base du roc et la vieille évanouie dans les bras du jeune homme. Sperver, pâle, regardant le baron d'un œil sombre, laissait tomber la crosse de sa carabine à terre, la face contractée et les yeux à demi fermés d'indignation. « Seigneur de Blooderick ! » dit-il, la main étendue vers la caverne. « Je viens de tuer mon meilleur ami pour sauver cette femme, votre mère. Rendez grâces au ciel que sa destinée soit liée à celle du comte. Emmenez-la, emmenez-la, et qu'elle ne revienne plus, car je ne répondrai pas du vieux Sperver. » Puis, jetant un coup d'œil sur le chien, « Mon pauvre Lieverlé ! » s'écria-t-il d'une voix déchirante. « Ah, voilà donc ce qui m'attendait ici. Viens, Fritz, partons, sauvons-nous, je serai capable de faire un malheur. » Et, saisissant Fox par la crinière, il voulut se mettre en selle, mais tout à coup le cœur lui creva, et, laissant tomber sa tête sur l'épaule de son cheval, il se prit à sangloter comme un enfant.